Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, la proposition de loi contre les violences sexuelles sur mineurs. La proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels, venue du Sénat et adoptée à l'unanimité en janvier, a aussi été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale dans la nuit du 15 au 16 mars 2021, en première lecture, avec 67 voix pour et aucune contre. Elle va maintenant être étudiée en commission mixte paritaire composée de membres du Sénat et de l'Assemblée nationale. Une adoption définitive est envisagée au printemps pour une instauration rapide de cette nouvelle législature. L'adoption définitive de ce texte est très attendue, bien entendu, tandis qu'en début d'année a été marquée par la sortie du livre de Camille Kouchner dans lequel elle dénonce l'inceste commis par son beau-père, le politique Olivier Duhamel, sur son frère jumeau Victor, ainsi que la vague de témoignages puissants qui a suivi sur les réseaux sociaux via le hashtag MeTooInceste. En effet, l'Assemblée nationale s'est saisie ce lundi 15 mars d'un texte visant à renforcer la protection des mineurs face aux violences sexuelles, avec la volonté unanime de progresser sur un sujet longtemps tabou que plusieurs affaires ont remis sur le devant de l'actualité. La proposition de loi modifie le droit actuel sur plusieurs points. Alors tout d'abord, le seuil de non-consentement est fixé à 15 ans. Ainsi constituera un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de moins de 15 ans. Et cela, même si ces actes n'ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise. De plus, le viol est qualifié d'incestueux s'il est commis par un ascendant ou toute autre personne exerçant une autorité de droit ou de fait sur la victime mineure. Le seuil de non-consentement sera alors porté à 18 ans au lieu de 15 ans comme actuel. Dans tous les cas, que ce soit incestueux ou pas, ces crimes seront punis de 20 ans de réclusion criminelle. Quant au délit d'agression sexuelle, c'est-à-dire toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commis par un majeur sur la personne d'un mineur de moins de 15 ans, seront punis de 10 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Ensuite, il y a la création de cette clause dite Roméo et Juliette. Je ne ferai pas de commentaire sur le nom Roméo et Juliette, mais la proposition de loi exclut de son champ les amours dits adolescents, qui est normal, qui se nouent en toute légitimité avec une clause surnommée donc Roméo et Juliette. Il y aura pénalisation seulement si la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins, c'est-à-dire de plus de 5 ans. Cette mesure évitera notamment que certaines relations initiées à l'adolescence nous tombent sous le coup de la loi dès que l'un des deux partenaires passe le cap des 18 ans, avec la condition de moins de 5 ans de différence d'âge entre les deux personnes. Attention, bien entendu, cette clause ne jouera toutefois pas dès lors que les conditions habituelles du viol et des agressions sexuelles sont réunies. Ensuite, il y a cette prescription renforcée. Pour les viols de mineurs, la proposition de loi conserve le délai de prescription actuel passé en 2018 de 20 à 30 ans à compter de la majorité de la victime avec la loi Schiappa. En revanche, elle offrira une nouvelle possibilité de la prolonger. Je m'explique. Lorsqu'avant l'expiration du délai de prescription, l'auteur d'un viol commis sur un mineur commet un nouveau viol sur un autre mineur, alors le délai de prescription du premier crime est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription du nouveau crime. Cette formule est qualifiée de prescription renforcée ou glissante. Il s'agit ainsi de permettre que les victimes d'un même auteur n'aient pas un traitement judiciaire différent. Si pour une victime d'un même auteur, le crime n'est pas prescrit, et qu'il l'est pour d'autres victimes, l'absence de prescription de la première bénéficiera donc à toutes les autres. Enfin, une dernière mesure, l'interdiction d'activité auprès des mineurs. Les tribunaux pourront prononcer contre les adultes coupables d'agressions et autres infractions sexuelles sur mineurs une peine complémentaire d'interdiction d'une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. L'interdiction sera définitive, sauf bien entendu décision motivée du juge. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.